Oh, faut que je vous raconte la dernière qui est arrivée à ma frangine. Oh, rassurez-vous, c'est très court. Elle était avec ça de chaud. Enfin, je dis ça. Elle en a que la moitié, parce que avec son mari, comme ils sont sous le régime de la communauté, elle n'a droit qu'à la moitié, et lui, l'autre moitié. Mais comme ils s'entendent bien, alors ils l'ont refait souder quand ils l'ont acheté. Ça fait qu'ils peuvent rouler ensemble, maintenant. Ou l'un ou l'autre, quoi. Ou elle, ou lycée de Versailles. Alors, elle était avec sa deux chevaux, toujours au milieu de la route, bien entendu. Comme toutes les deux chevaux qui se respectent. Jamais à droite, toujours au milieu. On pourrait très bien, si elle roulait à droite, on pourrait la doubler facilement. Non! Au milieu! Comme sur des rails, on peut klaxonner ou faire des appels de phare, elle ne me doublera pas. Elle dépasse jamais le 25 à l'heure. Quand on réussit par la doubler, parce qu'il y a des fous, vous savez qu'il y a des... Il y a des fous. Il y a des chirurgiens, des toubibs qui sont pressés dans la vie pour aller sauver des malades. Alors ils font du 45, du 50 à l'heure. Des fous. Alors, ils réussissent à la doubler, et dans la deux chevaux, avec leurs doigts, ils font ça sur le front. Dingue! Vous êtes dingue! C'est ma sœur. Elle avait réussi à placer sa voiture au bord du trottoir. V'là pas qu'il y a un semi-remorque qui arrive avec des troncs d'arbres. C'est des gros troncs d'arbres. Faut bien que ça tombe sur ma frangine, quand même. Quand je dis qu'il faut que ça lui tombe, c'est le cas de le dire, vous allez voir pourquoi. Dans le tournant, il y a un tronc d'arbre qui se détache, qui rentre dans la deux chevaux à ma frangine. Ça y a fait comme un coup. Son chapeau avec des fraises dessus, elle se l'est retournée à la main. Elle est sortie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? À moi, au secours! À moi! Le monsieur est arrivé, le chauffeur du semi-remorque. Écoutez, comme tous les routiers qui se respectent, nous sommes assurés tout risque. Et rassurez-vous, c'est le cas de le dire, je paierai tous vos frais, je reconnais que j'ai tort. Écoutez, on vous veut pas de mal, il y a un tronc d'arbre qui est rentré dans votre deux chevaux, il y a la portière qui est abîmée, c'est tout. Venez vite le dire à mon mari. Moi j'étais à côté, j'ai dit ça y est, elle a fait du mauvais sang, parce que comme elle est assurée que de son côté, et c'est le côté à mon beau. Venez vite le dire à mon mari. Monsieur le chauffeur. Pas la peine, écoutez, j'ai beaucoup de travail, il faut que je téléphone à une grue pour remonter le tronc d'arbre. Venez vite le dire à mon mari. Mais enfin, n'insistez pas, je vous dis que je suis assuré tout risque, je vous fais un chèque même presque tout de suite, on va prendre deux témoins, venez vite le dire. Pourquoi voulez-vous absolument que j'aille le dire à votre mari? Écoutez, monsieur, écoutez, qu'une voiture rentre dans un arbre, ça se conçoit facilement. Mais comment voulez-vous que j'aille expliquer à mon mari que c'est un arbre qui m'est rentré dedans ?